I go welcome everybody here. And I'm glad to see so many people who want to come to purify their minds and to gain peace for themselves. Sayali est très heureuse de se retrouver ici pour diriger cette retraite. Si vous êtes ici, c'est dans le but de vous purifier l'esprit et d'atteindre la paix. C'est facile de se purifier l'esprit et d'atteindre la paix, pour autant qu'on procède correctement. La base de cette pratique, c'est la moralité Sila. Si nous n'avons pas Sila, la moralité, si nous n'avons pas assuré la base de notre pratique, nous ne pourrons pas atteindre la concentration. La concentration, c'est ce qui va amener le calme dans l'esprit, ce qui va apaiser les impuretés mentales. Nous allons donc pratiquer la moralité Sila et nous allons ainsi nous protéger au niveau des actes vocaux et des actes physiques. C'est la base de la pratique. Nous devons donc commencer par établir les bases de façon à pouvoir développer la concentration dans un deuxième temps. La concentration va elle-même amener Panya à la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui va nous permettre d'éradiquer les impuretés mentales. Elles ne seront pas simplement calmées, mais éradiquées. Et nous pourrons ainsi expérimenter la paix. La base, c'est donc la moralité. Je vais expliquer brièvement en quoi consiste Sila, de façon à ce que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit, même ceux qui viennent d'autres traditions. Demain, je donnerai les instructions pour la méditation. Dans ce centre, nous avons l'habitude de prendre 9 préceptes moraux. Le premier précepte consiste à s'abstenir de tuer, autrement dit s'abstenir de prendre la vie intentionnellement. Il faut donc que l'intention de tuer soit présente pour que le précepte soit rompu. Si par exemple on marche dans le jardin et qu'on écrase des insectes, on ne rompt pas ce premier précepte parce que nous n'avions pas l'intention de tuer. Donc il faut, pour que le précepte soit rompu, qu'il y ait l'intention de tuer. Tout le monde aime la vie, tout le monde veut vivre, et donc prendre la vie d'un autre être, c'est quelque chose qui ne va pas nous permettre de nous sentir heureux et paisibles. Le deuxième précepte consiste à s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, autrement dit, s'abstenir de voler. Le troisième précepte consiste à s'abstenir de toute activité sexuelle. Ce troisième précepte, dans cette forme-là, n'est valable que pendant la retraite. Il est évident que lorsque la retraite sera terminée, les personnes qui vivent en couple peuvent avoir des relations sexuelles. Mais pendant une retraite, ceci n'est pas possible. Le quatrième précepte consiste à s'abstenir du mensonge. Ceci est très important pour les yogis, car une des qualités du yogi, c'est précisément d'être honnête, et particulièrement au moment de l'interview. Il faut qu'il dise au professeur quelles sont ses expériences. Il ne doit rien cacher, mais il ne doit pas non plus prétendre avoir eu des expériences qu'il n'a pas eues. Il doit être honnête. Le cinquième précepte consiste à s'abstenir d'intoxicants, de drogues et d'alcool. Ici, lorsqu'on participe à une retraite de méditation, notre but c'est de développer l'attention. Ces produits, ces intoxicants, vont avoir l'effet contraire. Ils vont diminuer la conscience, diminuer l'attention. Et de plus, si nous prenons ces produits, ces intoxicants, nous serons très vite amenés à rompre les autres préceptes, justement parce que nous n'avons plus l'attention pour nous en protéger. Le sixième précepte consiste à s'abstenir de nourriture solide du crépuscule à l'aube. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie pendant la méditation. Nous devons donc économiser cette énergie. Si nous mangeons plus que 2 fois par jour, cela va nécessiter une dépense d'énergie inutile. 2 repas sont amplement suffisants pour permettre à quelqu'un de travailler avec énergie. Il faut également essayer de s'abstenir de manger des bonbons ou des choses entre les repas. Ceci est également demandé aux méditants et il s'agit là aussi d'une question d'honnêteté par rapport à lui-même. Il a pris l'engagement de s'abstenir de nourriture solide et donc ne doit s'abstenir pendant l'après-midi de ce genre de choses. Il faut essayer de maintenir les préceptes moraux le plus pur possible. Le septième précepte consiste à s'abstenir de divertissements, comme écouter la musique, ou encore de chercher à s'embellir le corps par des parfums, par des cosmétiques, etc. Il faut bien comprendre que si il se fait qu'il y a de la musique quelque part, et que nous l'entendons, cette musique, il ne s'agit pas là de rompre le précepte moral, puisque nous n'avions pas l'intention d'écouter de la musique. De nouveau, ici aussi, il faut que l'intention d'écouter de la musique soit présente pour que le précepte soit rompu. Si on utilise des cosmétiques, il faut également comprendre que si c'est fait dans le but de ne pas déranger les autres, ce n'est pas rompre le précepte. On rompt le précepte si on désire délibérément et intentionnellement s'embellir. Le huitième précepte consiste à éviter d'utiliser des lits ou des fauteuils luxueux. Il s'agit ici tout simplement d'éviter de prendre plaisir à un certain confort. Et de plus, si on utilise ce genre de lit ou de fauteuil, cela va favoriser le désir sensuel. Le neuvième précepte consiste à garder l'esprit bienveillant à l'égard de toutes les créatures pendant toute la journée, pendant toute la durée de la retraite. Ce neuvième précepte a été introduit dans ce centre par Sayadaw ou Kundala. And then the ninth precept, to have a mind of loving kindness for all beings. When we do the practice, the mind of loving kindness for all beings will come naturally. But we also take this as a commitment, as part of the tradition established by Sayadaw Kundala. Mm-hmm.